إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فمن الصفات المذمومة التي جاء الشرع بالنهي عنها العجلة. والعجلة هي طلب الشيء وتحريه قبل أوانه، وهو من مقتضى الشهوة، حتى قيل العجلة من الشيطان. قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وقال تعالى له أيضا: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، يتخلق بأخلاقه ويتأدب بآدابه، فلم يكن يستعجل، بل كان يتأنى ويصبر. وإلى هذا أرشد عليه الصلاة والسلام أمته، فقال عليه الصلاة والسلام: التأني من الله، والعجلة من الشيطان. رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحسنه الألباني. وهذه العجلة المذمومة هي القطع في الأمور قبل التفكر والمشاورة والاستخارة. ولهذا قال الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله: إن العجل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، إلى أن قال: والعجل تصحبه الندامة، وتعتزله السلامة، وكانت العرب تسميها أم الندامات. انتهى من روضة العقلاء. ومن الأمثلة على العجلة المذمومة الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. ومنها استعجال المرء إجابة دعائه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت ربي قد دعوت ربي فلم يستجب لي. متفق عليه. ومنها استعجال بعض المصلين في صلاتهم فلا يتمون ركوعها ولا سجودها ولا يطمئنون فيها. ومن أمثلة واقعنا المعاصر استعجال البعض بعض الرجال في الطلاق لأقل الأسباب، والعجلة في قيادة السيارات، ومنها أن يستبطئ الإنسان الرزق فيستعجله فيطلبه من طرق محرمة ووجوه غير مشروعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، chers musulmans, parmi les mauvais comportements dont la religion a interdit, a réprimandé, la précipitation, l'empressement qu'ont les gens de temps à autre. Et qu'est-ce que cette précipitation ? C'est vouloir une chose, demander une chose avant son moment. Ceci fait partie des comportements qui découlent du désir et de la passion, jusqu'à qu'il ait été dit que la précipitation vient du diable. Allah, élevé soit-il, nous dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, et patiente comme endure, comme ont enduré, comme ont patienté les prophètes dotés d'une résolution ferme, et ne t'empresse pas, ne sois pas pressé, c'est-à-dire de voir le châtiment toucher les infidèles, les polythéistes, ceux qui t'ont rejeté, qui n'ont pas répondu favorablement à ton appel, ne sois pas pressé de voir leur châtiment. De même qu'Allah, élevé soit-il, dit à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens du verset, et ne bouge pas ta langue pour presser la récitation, sa récitation, c'est-à-dire du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement était tout comportement qu'on retrouve dans les versets coraniques. Il se comportait comme le demande le Coran. Et donc, alayhi salatu wa sallam, il ne s'empressait pas. Il ne se précipitait pas, mais plutôt, il prenait un moment de réflexion. Il patientait, alayhi salatu wa sallam. Et voilà le comportement vers lequel il a dirigé et il a recommandé à sa communauté. Il dit, alayhi salatu wa sallam, ce moment de prise de réflexion, cette patience fait partie, vient d'Allah, et la précipitation vient du diable. Rapporté par l'imam Abu Ya'la dans son Musnad, d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu, et rendu bon par l'Albani. Cette mauvaise précipitation, c'est de prendre des décisions avant réflexion, de prendre des décisions avant consultation et avant d'accomplir la prière de consultation pour consulter le Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'imam Abu Hatim al-Busti rahimahullah, il dit: celui qui se précipite, il parle avant de savoir, il répond avant de comprendre. Puis quelques lignes plus loin, il dit: celui qui se précipite est souvent accompagné par le regret. Et la paix ou la tranquillité, elle est écartée de lui. Et c'est pour cela que les Arabes disaient sur la précipitation que c'est la mère des regrets. Ici s'arrête la parole de l'imam Abu Hatim, rahimahullah. Et parmi les exemples de précipitations mauvaises que la religion met en garde contre, il y a de s'empresser d'invoquer Allah contre ses enfants, contre sa famille, contre ses biens et richesses, lorsque la personne est atteinte de colère. Lorsqu'il est en colère, il en arrive à faire ses actions qui sont mauvaises. D'après Jabir, radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'invoquez pas contre vos propres personnes, n'invoquez pas contre vos biens et richesses, n'invoquez pas contre vos enfants, car il se peut que vous atteigniez ce moment où Allah va exaucer la demande de celui qui invoque, et là, cette demande, elle sera acceptée d'Allah, rapportée par Muslim. Parmi les exemples aussi, la personne qui s'empresse de voir la réponse à sa demande, à son invocation, et il dit que on n'a pas répondu à son invocation. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on exauce la demande de l'un d'entre vous tant qu'il ne s'empresse pas, tant qu'il ne se précipite pas, en disant: j'ai déjà invoqué mon Seigneur et il n'a pas répondu à ma demande. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Parmi les exemples des gens qui se pressent dans leur prière, de sorte que leur prière est mal accomplie, ça peut même atteindre un degré que la prière n'est même pas acceptée. Il devient semblable à celui qui n'a pas prié. Donc c'est des gens qui se pressent dans leur prière, donc leur inclinaison est mal accomplie, leur prosternation est mal accomplie, et ils n'ont pas de quiétude et d'apaisement et de concentration dans leur prière. Parmi les exemples contemporains de nos jours, beaucoup d'hommes, certains hommes, pour X raisons, même pour des futilités, ils s'empressent d'employer le divorce à leurs épouses. Pour la moindre excuse, ils emploient ce mot. Et ceci est le fruit de la précipitation. De même que ceux qui sont pressés dans leur conduite de la voiture, et on sait tous les désastres et tous les accidents et les problèmes que ça peut amener. Parmi les exemples aussi, que la personne perd patience dans la recherche de la subsistance d'une manière qui est légiférée. Et tellement qu'il perd patience, il va s'empresser d'aller chercher la subsistance, chercher à gagner sa vie d'une manière qui est interdite, d'une manière qui n'est pas légiférée. Allahumma rabbana ila dinika al-jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. وفقنا اللهم لما تحبه وترضاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.